Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse L'Appel de la montagne, une série de Marie Chartron réalisée par François Test. Au départ de cette série, il y a des stations fermées et des images sur des boîtes de chocolat, sommets enneigés, téléphériques rouges et chalets fleuris. Mais il y a aussi les mythologies des hauteurs, l'alpinisme où les orteils gèlent dans les tempêtes, meurtrières et la montagne magique. Alors pour commencer, les personnages. Une femme écrasée par la montagne, une institutrice, une directrice d'école de ski, un promoteur, un responsable des remontées mécaniques, un prof de ski, des clochards des neiges et une éleveuse de brebis. Ensuite, le décor. Des avalanches, des routes enneigées, des traîneaux, un village qui s'est vidé, un télésiège, le plan neige, des immeubles, la crise, des prés à foin et un attentat. Aujourd'hui, premier épisode, on écoute un poème. Qu'est-ce que c'est, ce texte sur la neige là que vous avez sous les yeux? Alors ça, c'est n'est-ce pas Baudelaire qui est venu se promener au plateau dans Paris et qui a écrit un poème sur la neige. Et qui, je trouve, est très bien parce qu'il s'est mis à la place de la neige. L'appel de la montagne. Marie Chartron, François Test. Je suis belle au mortel comme un rêve de pierre. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Aujourd'hui, en attendant la neige. Ça, c'est des opinions personnelles parce que quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé la neige magnifique. Maintenant, jamais je ne pleure et jamais je ne ris. La neige, elle est insensible à nos états d'âme. Pourquoi ? La neige, elle est trop près, enfin. Je trouve, moi, la neige, elle m'écrase. J'aime bien la neige quand je la vois, par exemple, Doris. Alors, on voit les montagnes au loin, on voit la neige. Mais tandis qu'ici... Mais c'est vrai qu'il y a des moments où elle est magnifique. Et si je suis venue ici, c'est quand même, je dirais pas, parce que je ne connaissais pas, mais c'est par rapport à Frison Roche. Quand j'étais jeune, j'habite aux environs de Gap. Et je lisais des livres de Frison Roche, de Gaston Rebuffat, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon. Ça vous est arrivé? Et bien sûr, et je m'imaginais la montagne comme quelque chose de magnifique. Alors là, j'ai été plus qu'enchantée, et je m'imaginais les montagnards comme des gens un peu semblables à ceux que Frison Roche dépeignait dans ses livres. Mais c'est ce que m'a dit un prêtre qui était guide et président de la compagnie des guides. La neige de Frison Roche, c'est pas la réalité. Et quand vous dites qu'elle vous écrase, Madeleine Jacquier, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est trop présente, vous comprenez ? Elle est, bien sûr, on se réveille, on la voit. On ne peut pas s'empêcher de la voir de partout. Moi, je sais que j'ai choqué certaines personnes quand je disais, mais moi, je voudrais qu'elle s'effondre. Vous savez, quand on y vit 365 jours sur 365, quand on vieillit et quand on ne peut plus bien pratiquer des activités sportives, eh bien, c'est pas très intéressant de vivre ici. La neige, immense silhouette hachée, noire et blanche, culmine à près de 4000 mètres dans le massif des Écrins. Sa face nord surplombe la vallée étroite de la Haute-Romanche, que l'on rejoint depuis Briançon par le col du Lautaret, au lieu des exploits cyclistes et des enneigements spectaculaires. À l'autre extrémité de la vallée, côté Oisans, les chapelles érigées à la sortie de la combe de Malaval rappellent aux voyageurs que les avalanches et les chutes de pierres peuvent rendre le passage périlleux. Sur fond de ruée vers l'or blanc dans les années 1960, alors que les pulls rouges et les fuseaux bleus des moniteurs de ski commencent à recouvrir les pentes françaises, la commune de La Grave et ses hameaux dispersés à flanc de montagne voient arriver, à une dizaine d'années d'intervalle, la petite station de ski du Chazelet et le téléphérique des glaciers de la Meije. on est arrivé ici avec ma maman et puis mon beau-frère qui m'avait accompagné avec sa petite camionnette. C'était en 1953. Où j'avais mis un poêle, quatre chaises, une table et un lit. Et quand j'ai reçu ma nomination, je suis vite allée voir mon instituteur. Votre nomination en qualité d'institutrice. Voilà, parce que figurez-vous que je l'avais demandé le poste, mais ne sachant pas où j'allais. Alors je suis allée voir mon instituteur, on a cherché, on n'a même pas trouvé le nom sur la carte du département. Et donc on est arrivé ici par un jour de brume. On ne savait plus trop où on allait. On est arrivé ici, heureusement qu'il y avait un hôtel, et on est allé demander la clé à la personne qui habitait à côté de l'école. La salle de classe allait, mais alors l'appartement, qui était, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de WC. On est revenu à l'hôtel, et là j'ai passé la nuit avec ma maman. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, on a ouvert les volets, et là, alors cette neige... C'était quelque chose d'extraordinaire. Jamais je n'aurais imaginé qu'une montagne aussi belle. Et alors là, je dis à ma maman, tu sais, mais j'ai l'intuition que je vais y rester là toute ma vie. La pauvre, elle a fondu en larmes. Valentin Jacquier est né en 1934, ce qui me fait 84 ans, bientôt 85. Je suis né au Châtelet. J'ai fait le paysan avec mes parents jusqu'à l'âge du service militaire. Et après, j'ai fait 28 mois de service militaire. Suite à ça, je suis rentré vivant de l'Algérie. Et j'ai continué encore quelques années à faire le paysan avec mon père. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas les subventions que les jeunes ont aujourd'hui. On n'avait pas le matériel. Et bon, ça ne me nourrissait pas, quoi. Je voulais faire autre chose. Donc j'ai monté une entreprise de bâtiment et j'ai fait ma carrière dans le bâtiment avec 4 ou 5 ouvriers jusqu'à l'âge de 60 ans. Et aujourd'hui, c'est mon fils qui exploite ça. Voilà. Vous vivez au Chazelet, au pied de la Mège? Et je vis, depuis que je suis né, au pied de la Mège, oui, voilà. Je ne l'ai jamais quitté. Quel est votre souvenir d'enfance? Quel est votre premier souvenir de la Mège ou du Chazelet? Ben, vous savez, jusqu'à l'âge de 20 ans, on n'était pas déneigé l'hiver. Je suis parti au service militaire en mois de février. On partait avec une caisse en bois qu'il fallait fabriquer, parce que c'était son bagage de militaire. J'étais descendu en traînant ma caisse sur la neige, à la grave. Et la route a été déneigée que 2 ans, en 1957, on a enfin été déneigé. Ça a changé un peu la vie. Et autrement, on partait faire les courses à la grave avec le mulet, le traîneau. Et après, on s'habitue au confort, bien sûr. Mais... Vous voyez, on est arrivé dans cette école, là. Et en 1850, il y avait dans la commune de la Grave 1900 habitants. Alors que maintenant, on est 200. Alors, ce que j'ai vécu, je peux dire, c'est la décroissance du village. Avant moi, il y avait eu d'autres institutrices, mais qui ne sont jamais restées plus d'un an. Hein. Au bout d'un an, elles partaient. Pourquoi ? Ben parce que c'est trop dur. Avec des hivers rudes, c'est pas évident. Maintenant, l'hiver, c'est pas pareil, parce que l'hiver, on vit avec la station, il y a du monde l'hiver. Tandis qu'avant, il y avait juste les gens du village. Mais les gens du village, on était beaucoup plus nombreux, puisqu'en 1953, il y avait 134 habitants. Et maintenant, on est 35. Alors, vous voyez, moi, j'ai vraiment vécu le passage d'un village rural à un village semi-touristique. Donc ici, on se trouve à l'oratoire du Chazelet. Le Chazelet étant un petit hameau de la commune de La Grave. On a plusieurs hameaux, donc il y a aussi les terrasses qui se trouvent à 1,5 km du Chazelet. Ensuite, on a Ventelon et Lézières, Les Fréaux, un petit hameau, et La Grave. Donc tous ces hameaux sont sur la commune de La Grave avec plus ou moins 500 habitants à l'année. Et par exemple, le village où j'ai grandi, mon village d'enfance, le Chazelet, il y a environ maintenant 35 personnes qui vivent à l'année. Pourquoi nous avez-vous donné rendez-vous ici, à l'oratoire du Chazelet, Camille Gaillard ? Je vous ai donné rendez-vous ici parce que c'est le point de perspective que je préfère. C'est-à-dire que j'ai une vision panoramique sur mon village, donc le Chazelet. J'ai grandi ici et j'ai aussi une magnifique vue sur la Mège avec la perspective du Lautaret derrière, la vallée de l'Oisans qui s'ouvre. Vous êtes née au Chazelet ? Tout à fait. J'ai grandi ici. Je suis allée à l'école à La Grave, ensuite à Villard-d'Arennes, puis le collège à Briançon. Je suis partie quelques années travailler dans d'autres vallées, notamment celle de Chamonix, pour voir un petit peu d'autres horizons, d'autres montagnes. Et puis l'amour du Chazelet, du pays, de La Grave, m'a ramenée ici. On est passionné de La Grave ou alors on n'y reste pas. C'est un territoire qui est assez particulier, avec des contraintes au niveau de la vie, au niveau même des enfants, des activités, de tout ce qui va autour de la vie de famille, qui peut être compliqué. Mais pourquoi ? Bah parce que tout est loin. Grenoble est à 1h15, les grandes villes, les points d'intérêt, les activités. Et vous dirigez l'école de ski ? Voilà, depuis ce printemps, j'ai repris la direction de l'école de ski. Vous avez fait un choix qui n'est pas forcément représentatif de votre génération parce que vous êtes jeune. Oui, j'ai 28 ans et c'est sûr que dans ma génération, on était 9 à avoir, de 1989, à avoir grandi ici. Et sur les 9, on n'est que 4 ou 5, ça dépend, à rester vraiment vivre ici. Les autres sont partis pour de multiples raisons, parce que quand on grandit en montagne, et parfois on a besoin d'aller ailleurs, parce que le travail ici est parfois compliqué si on ne travaille pas dans le tourisme ou le médical ou être professeur des écoles. Sinon, mis à part ça, il n'y a pas forcément beaucoup de travail à l'année. C'est très saisonnier. En hiver, les gens partaient avant l'arrivée du ski. Ah non, pensez-vous, tous les gens qui étaient ici restaient. Personne ne partait. Alors là, en hiver, il y avait les veillées. C'est vrai que les veillées, j'étais souvent invitée dans des veillées. Surtout quand il y avait un jeune homme à marier. L'institutrice était un peu la proie convoitée, quoi, si on peut dire. Vous avez dû résister à beaucoup de... non. D'offres. Non, parce que c'était pas mon style, mais j'avoue que quand j'ai rencontré mon mari, que je trouvais, n'est-ce pas, un peu le beau montagnard comme il y avait dans les livres de Frison Roche. Alors là, voilà. Comment avez-vous vécu l'arrivée du ski ? Alors, l'arrivée du ski, ça a été beaucoup plus tard, c'est-à-dire les premières remontées mécaniques. Alors, c'était ma première fille est née en 1961, Anne-Marie, oui, c'est ça, en 61. Et c'est en 61 qu'on a tracé la route d'accès aux remontées mécaniques. Alors, à partir de là, après, bien, il y a eu des vacanciers quoi, qui sont venus, ça n'a plus du tout été pareil. Parce que avant, quand il n'y avait pas de remontée mécanique, les gosses allaient à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'était jour de congé avec le catéchisme, vendredi, samedi, et samedi après-midi, c'était plein air. Alors mes élèves, je les emmenais faire du ski, on n'avait pas beaucoup de ski, c'était la jeunesse et les sports qui nous avaient prêté 3 paires de skis. Donc ceux qui avaient des skis allaient au ski et les autres filles, elles traînaient leur luge et elles rouspétaient. Et puis les parents n'étaient pas contents parce qu'ils disaient cette maîtresse, ils n'avaient pas des vêtements comme maintenant, vous savez, des vêtements imperméables. Ils arrivaient chez eux, ils étaient tout mouillés. Alors c'était pas tellement apprécié. Les Alpes bougeraient-elles ? On a vu une innovation récente prendre les allures et les proportions d'une véritable révolution. Comme les jupes l'an passé, les skis se sont raccourcis. Ski court. Ski long. Les tenants des deux parties se livrent une lutte sans merci, les uns prônant l'ancienne planche de 2,10 m, les autres la nouvelle de 1,40 m qui facilite en principe les virages et les arrêts. Les extrémistes déjà montrent le bout du nez. Le patin à neige, disent-ils, voilà l'avenir. J'avais envie de m'investir dans le ski. On parlait des deux Alpes, on parlait de l'Alpe d'Huez qui démarrait aussi à l'époque. Je lisais les journaux, les stations de Savoie, ça démarrait de partout. Moi, j'avais envie de faire quelque chose. Je pensais que dans notre pays, on pouvait faire du ski, quoi. Il va attirer des touristes. Et puis en 64, il est arrivé ce qu'on appelle aujourd'hui un promoteur, qui était M. Cara, un Parisien, un homme qui avait beaucoup de bon sens, très sérieux, mais qui ne connaissait rien en montagne. Alors qu'est-ce qu'il avait attiré ici ? C'est ceux qui faisaient de la promotion en ville, bon, ils étaient attirés par ces phénomènes de... Ça poussait comme des champignons en montagne, un peu partout, quoi. Alors il est arrivé là, mais il a été mal encadré. Ce monsieur était plein de bonnes intentions. D'ailleurs, il y a mis de l'argent. Il a fait tout de suite la première année. Il a fait le téléski du plateau dans Paris. Il a fait un télésiège. Ça s'est décidé en 2 mois. Il a fait la route là-dessus. Il s'est investi pas mal. Et puis après, il a vu que, bon, il a eu des difficultés à obtenir ses permis de construire. Là, je trouve tort quand même à l'administration parce qu'ils l'ont vissé, quoi. Donc ce promoteur qui arrive de Paris et qui vient là pour exploiter l'or blanc, les gisements de neige, il achète des terrains à des gens ici. Il achète des terrains, il achète 5 hectares de terrain, oui. Toutes des petites parcelles, qui 500 mètres carrés, 200 mètres carrés, 1000 mètres carrés, il a acheté 5 hectares de terrain. C'était une aubaine ? C'était une aubaine pour les agriculteurs, oui. Parce qu'à l'époque, j'étais à mon compte artisan, et suite à ça, des personnes âgées qui avaient un mur à refaire dans leur maison, un toit, ils me faisaient appel, ça y est, ils avaient touché de l'argent, ils leur investissaient, quoi. Mais seulement, bon, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Sans faire une grande station, 2 Alpes, Alpes d'Huez, on pouvait faire quelques lits dans un bon style, parce que ce que je reproche encore aujourd'hui, c'est qu'on a des remontées mécaniques qui sont déficitaires. Il faut des lits pour faire tourner tout ça. En ce moment, c'est arrosé par le Conseil Général. Le Conseil Général nous a refait le télésiège, nous a refait le téléski. En ce moment, ils font des pistes à coups de bulldozer. Ils nous ont subventionné une machine à damer les pistes. Mais il n'y aura pas toujours des subventions. Hein. Moi, je n'y crois pas. Il faut quand même arriver, comme chaque entreprise, il faut qu'elle s'équilibre. Quoi. Moi, je trouve qu'avec le téléphérique, même la grave chef-lieu, c'est en perte de vitesse. Hein. Guillaume Desmures, vous êtes journaliste, écrivain. Vous venez de publier un livre sur l'épopée des stations de ski. Et la station du Chazelet, et plus tard le téléphérique de la Grave, s'inscrivent dans un contexte bien particulier qui est celui du plan neige. Le plan neige, c'est une façon d'aménager la montagne et de créer des stations de ski qui est vraiment particulière à la France. C'est vraiment unique au monde, l'implication de l'État. Dans l'après-guerre, le ski se développe et dans les années 60, avec le boom des loisirs et du tourisme, on investit lourdement, les investisseurs viennent mettre de l'argent sur la table et créer des stations, créer des immeubles, font sortir tout ça de terre, dessinent des routes, construisent des remontées mécaniques sur des endroits où il n'y avait que des alpages avant. Pour revenir sur l'immédiat après-guerre, pourquoi précisément à ce moment-là décide-t-on de développer le ski en France ? Alors l'une des raisons principales, c'est de pouvoir fixer les populations dans les vallées. Donc il y a un mode de développement un petit peu différent, par exemple, qui est à la Maurienne, où eux ont conservé des usines, une industrie lourde qui a conservé de l'emploi. Par contre, la Tarentaise, qui est juste à côté, a elle fait le pari dès 1945, décision du Conseil général de la Savoie, de parier sur le tourisme. Donc en 1945, le Conseil général de la Savoie décide de créer une station de ski internationale qui deviendra Courchevel. Et puis ensuite, sur ce modèle-là, vont se créer des stations, les Menuires, Val Thorens, c'est la Plagne, les Arcs, Tignes, etc. Vous êtes responsable des remontées mécaniques de la station du Chazelet, Grégory Bouillet. Et oui. Là, nous allons nous élever un peu dans le domaine skiable, sur ce qui, en hiver, sont les pistes. nous allons parcourir maintenant en 4x4. Parce qu'elles ne sont pas accessibles autrement. On est dans le creux de la saison avant l'arrivée de la neige. Là, on vient de partir de la partie accueil des remontées mécaniques, là, sur le parking de la station. Grosso modo, là, on est à 1800. Et là, on emprunte un petit chemin qui va nous emmener sur la cime de la partie skiable du secteur des Plagnes. Et j'ai profité de cette belle météo pour installer tout mon réseau de neige artificielle. Ah, mais je croyais qu'il n'y en avait pas ici. Et si, on en a une toute, toute petite partie. On peut enneiger artificiellement le front de neige, tout ce qui est la partie débutant. C'est surtout pour se donner une garantie d'ouverture, de proposer quelque chose à notre clientèle en début de saison. Là, c'est vraiment une pente douce. Là, on longe le téléski des Balmettes. C'est piste bleue. Piste verte. Et sur des pistes vertes. Vert, bleu et rouge. Voilà ce qu'on trouve sur la station. J'aime ma maison à la montagne. J'aime la couleur de son vieux toit. J'aime sa chanson et le vent qui l'accompagne en portant la fumée des feux de bois. Alors, quelles sont les grandes étapes de ce plan neige, Guillaume Desmures ? Alors, le plan neige, véritablement, est en plein essor pendant les années 60. Il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Michaud, qui est à la tête d'un service interministériel, le SEATM, qu'il a volontairement situé, non pas à Paris, mais à Chambéry. Et c'est lui qui va faciliter, en repérant d'abord des terrains favorables à la construction de stations, va faciliter la naissance de ces stations en trouvant des investisseurs, en leur donnant toutes les, on va dire, les facilités administratives pour créer ça. On est en pleine Trente Glorieuse, évidemment. Il y a un boom assez extraordinaire. Il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que des zones d'alpage où il y avait peut-être quelques chalets d'alpage utilisés uniquement l'été par les bergers, sur ces zones-là vont sortir de terre des immeubles de 5, 6, 10 étages, vont sortir de terre des routes, vont sortir de terre des remontées mécaniques, des téléskis, des télésièges, des télécabines. Tout ça dans des vallées qui vivaient sur le même rythme depuis des centaines d'années, qui vivaient sur le rythme agro-pastoral. Et puis, il y a, au début des années 70, une deuxième période qui s'ouvre. Une conjonction de facteurs fait que ça va ralentir. Ça tient à plusieurs choses. Il y a d'abord le ralentissement économique avec la crise de 73. Il y a une série d'avalanches, notamment celle de Val d'Isère, qui a beaucoup marqué, qui a dévasté un centre de vacances, qui était construit à un endroit où il fallait pas construire un bâtiment parce qu'on était en plein dans un couloir d'avalanches. Donc, ça met en lumière le problème des permis de construire, délivrer un petit peu vite, voire pas délivrer du tout, voire délivrer après la construction du bâtiment. Donc tout ça fait que on commence à se poser des questions. Il y a une année avec pas trop de neige, ça se vend un petit peu moins, ça commence à coincer un petit peu, commence à avoir les premiers grains de sable dans le rouage. Et puis, ensuite, les grandes étapes, ce seront d'abord le discours de Val-Louise, du président Giscard d'Estaing, et puis la loi Montagne de 85. Alors, le discours de Val-Louise, pour préciser un tout petit peu. Le discours de Val-Louise est une façon pour l'État reprendre un peu la main sur ces stations et ces territoires de montagne en proposant une politique qui leur est dédiée. Parce que jusqu'à présent, le développement s'était fait de manière un petit peu industrielle peut-être et au détriment des populations locales. Et vous mentionnez ce jalon qui est la loi Montagne de 1985 et qui met peut-être un coup d'arrêt, un premier coup d'arrêt ou un changement radical. Alors, la loi Montagne ne met pas un coup d'arrêt, mais plutôt réoriente le rapport de force et le rapport de pouvoir dans les stations de ski. La loi Montagne va rééquilibrer et redonner du pouvoir au maire et va désigner le maire des communes comme étant celui qui préside aux destinées de la commune. Il est en duo avec le directeur des remontées mécaniques. Ils doivent s'entendre, ils doivent travailler ensemble. Pour les stations de ski, la société de remontée mécanique, c'est le premier employeur de la vallée, c'est le premier contributeur au budget de la commune. Sans remontée mécanique, il n'y a pas de ski, et s'il n'y a pas de ski, il n'y a pas de tourisme. Donc, si vous voulez, le deal est assez clair. Mais la loi montagne les force, ou les enjoint de bien s'entendre. Comment la vallée de la Haute-Romanche, où se trouvent le Chazelet et la Grave, s'inscrit-elle dans ce mouvement de l'essor du ski, Guillaume Desmures ? Je dirais qu'elle ne s'inscrit pas vraiment dans le mouvement qu'on vient de décrire. Elle ne s'inscrit pas dans le plan neige. Il y a quelques stations qui ont refusé le plan neige. Il y a des stations aussi qui n'ont tout simplement pas été concernées. Qu'est-ce que vous disiez ? Ah, je disais qu'on entendait bien les engins de travaux publics qui sont en train d'intervenir à la cime du téléski des Planes sur la piste de Martignard. On est en train de reprofiler l'ensemble de la piste de Martignard pour la rendre plus accessible à tous et puis surtout pour nous pouvoir l'exploiter bien plus facilement. Jusqu'à maintenant, on avait des grosses bosses, des gros trous. Donc il fallait que la météo soit généreuse pour qu'on puisse ouvrir cette piste. Demain, avec les travaux qu'on réalise, on espère qu'avec deux couches de 20-25 cm, on puisse exploiter cette piste. Vous la modelez vraiment, cette montagne ? On essaye de préserver quand même le paysage, mais effectivement, on la modèle. On la modèle aussi parce que nous, on a une petite structure. Et on a parlé de neige artificielle, mais on se limite dans ce qu'on fait en neige artificielle parce que derrière, il y a des vrais coûts d'exploitation que nous, on ne sait pas forcément amortir. Donc on privilégie le fond de forme des pistes à des gros aménagements en neige artificielle. On espère qu'avec ces travaux-là, après on travaille avec de la neige qu'on nous donne et il suffit plus que de la damer, ça coûte quand même bien moins cher. Ce sont des pâturages, on skie sur des pâturages. On skie une grosse partie sur des pâturages et là toute la zone front de neige qu'on a parcourue, c'est des prés de fauche. La montagne est exploitée dans ces quatre saisons. Le monde agricole va l'exploiter le printemps, l'été et l'automne. Ou en tout cas à l'automne, on va être à cheval avec eux. Ils vont exploiter la première partie, nous on va exploiter la deuxième partie et on va exploiter l'hiver. Vous avez commencé à enseigner le ski à quel âge, Michel Castillon ? 64, j'avais 23-24 ans à peu près. Et vous en faisiez du ski avant la station, ici ? On essayait. On se damait des petits parcours sur quelques pentes en face de la Grave et on allait skier. On montait en escalier pour tasser la neige et après on descendait, on remontait, hein, mais c'était assez succinct, dirions-nous. Hein. Alors les téléskis, ça a été la révolution. Et alors ces premières années d'enseignement, qu'est-ce qu'il vous en reste ? Eh bien, il m'en reste que... On aurait bien aimé que la station évolue davantage, n'est-ce pas ? Ça n'a pas évolué. Alors que le Chazelet a démarré en même temps que des... On n'ose même pas dire quelle station. Tellement c'est terrible. Et genre Super Dévolu, La Plagne et des trucs comme ça. Alors vous voyez la différence. C'était l'euphorie. À ce moment-là, au début, les premières années, ça a permis que les hôtels qui étaient à la Grave rouvrent. Vous aviez à l'époque deux hôtels au Chazelet. Il n'y a plus rien. Deux hôtels à terrasse, au village des terrasses. À Ventelan, vous aviez un hôtel au village des Hières. Vous aviez du monde partout. On les montait en navette au Chazelet, on faisait les cours de ski là-haut. Un autre hôtel avait des classes de neige, c'était la pleine époque des classes de neige. Ils venaient de partout. La région parisienne, on avait la Selle-Saint-Cloud, sont venus pendant des années, Rueil-Malmaison, mis la forêt, enfin. Et puis après les classes de neige, ça a décliné. Les gens, il y a eu des soucis avec l'éducation nationale. Les premières classes de neige, ils venaient 3 semaines. Après, les derniers temps, c'était 10 jours. À l'époque, le promoteur qui était parisien et tout, on lui expliquait qu'il fallait damer davantage les pistes, qu'il fallait les élargir, que c'était, si on voulait être concurrentiel avec les autres stations, il a dit, oh là là, mais elle est très bien, ma petite dameuse, ça suffit, ça suffit. Et puis voilà, puis après, c'est allé en déclinant. Les gens sont venus de moins en moins et il y a eu une petite clientèle qui... d'habitués, mais on n'a pas vu grande évolution. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'arrivée du téléphérique, Valentin Jacquier ? L'arrivée du téléphérique, si je me trompe, le premier tronçon a été réalisé en 72 ou 70, je ne sais plus. Le projet a été fait par un cabinet qui s'appelle le cabinet Cressel, de Grenoble. Et ce téléphérique a été piloté par le maire de la Grave de l'époque, Ernest Juge. Mais bon, le gros problème, c'était le problème de le faire accepter par tous les écolos. Parce qu'attention, parler d'un téléphérique qui monte sur la Meije, bon... ceci pour dire que c'était largement contesté, d'une part, et d'autre part, il fallait en trouver le financement. Parce que c'est bien beau de faire dessiner un téléphérique, mais il fallait le payer. Alors le premier tronçon est construit, et là, les écologistes s'y opposent. Les écologistes s'y opposent. Et le préfet a signé quand même, par la force des choses, le premier tronçon, en disant... Ça, c'est clair et c'est précis et c'est juste. Je vous signe l'accord du premier tronçon, à condition qu'il n'y ait pas de second. Et il y a eu un attentat. Et il y a eu un attentat et ça a été plastiqué par quelqu'un qui n'a pas su s'y prendre, par un écolo. Et il s'y est mal pris, parce qu'il aurait fait sauter la gare, ça ne se refaisait pas. Il y a eu une poulie endommagée, il y a eu quelques petits dégâts, mais bon, ça n'a pas été grave. Et alors, je vous disais que bon, le préfet avait signé l'accord du premier tronçon à condition qu'il n'y ait pas de second. Et puis, 2 ans après, il y a une demande a été faite au préfet en disant qu'il fallait signer le deuxième tronçon pour amortir le premier. Et c'est vrai. Alors, par la force des choses, le préfet, il a fallu des interventions et le préfet avait signé aussi l'accord du deuxième tronçon. Bruno Gardant, vous êtes guide de haute montagne et vous êtes arrivé au Chazelet en même temps que le téléphérique, dans la vallée. Oui, à peu près, c'est ça. À quoi ressemblait le village quand vous êtes arrivé ? Donc c'était le tout début du téléphérique. Pendant 10 ans, ça a tourné vraiment ralenti quand même. Ça tournait l'été, mais l'été, la Grave tournait déjà, c'est une station d'été connue. Juste après la guerre, l'ENSA, c'est l'École nationale de ski d'alpinisme, était venu s'implanter ici. Donc c'était un peu le Chamonix de l'Oisans. Bon, c'était le parent pauvre quand même, mais bon, c'était quand même un centre d'alpinisme connu et reconnu dans le milieu, le petit milieu de la haute montagne, disons. Si vous deviez définir les différentes époques du ski à la Grave, quelles seraient-elles ? Là, je prends des risques, hein, parce que c'est une vision complètement personnelle et souvent liée à son vécu. Mais bon, disons qu'il y a eu les années... J'espère que je ne me trompe pas trop dans les dates, mais les années 60 à 70, c'était le Chazelet. Bon, parce qu'il n'y avait pas le téléphérique, en fait. Et le Chazelet, les classes de neige, le tourisme familial. Après, il y a eu, donc, en 75, je crois, le téléphérique, qui était en face nord. Ça a tourné 10 ans comme ça. Ça a été repris en donc, 76, ça fait 86. Et à partir de là... ça a été repris par un privé, donc qui a profité de l'explosion du hors-piste. Et là, à partir de là, très progressivement, s'est développé le hors-piste et l'image de la Grave, qui est une image de ski maintenant. Avec toute une population, disons, qu'on appelait les clochards des neiges, le ski bump, beaucoup d'étrangers, mais pas que, et qui ont fait toute la découverte du domaine, qui venait là, en fait, qui en gros, qui travaillait l'été, qui faisait une saison, et puis il venait là l'hiver, dans un camion où il louait un truc à 3 ou 4, et puis il restait là tout l'hiver à faire des lignes, comme ils disent. Dans les années 80, à la suite d'une certaine révolution de la pratique du ski aux États-Unis, qui est issue de la contre-culture, je remonte par étapes, contre-culture américaine qui va influencer les skieurs, qui va donner naissance à une pratique beaucoup plus délurée, beaucoup plus créative du ski, qu'on va appeler le freestyle. Et qui va donner naissance à trois disciplines qu'on a connues aux Jeux Olympiques, qui sont le ballet, les bosses et le ski acrobatique. Donc on va découvrir dans les années 80 des nouvelles façons de glisser, avec le monoski, avec le snowboard. Et ça va aussi modifier la capacité du skieur à accéder à des terrains hors piste. Et la grave va devenir le symbole du freerider. Le mot freeride, skieur libre en français, et la grave va devenir le symbole du ski libre de haute montagne, et va offrir un terrain de jeu qui est absolument unique au monde. Donc ça s'est développé pendant... Ça a largement participé au mythe, à l'image de la grave. Et puis, petit à petit, le mythe s'est effrité. D'abord parce que ces gens-là, ils ont vieilli un petit peu. Et deux, ils ne s'y retrouvaient plus parce que c'était leur plaisir, c'était la découverte et d'innover. Donc une fois que c'était découvert, ils ont été ailleurs. Comment on les regardait, ces clochards des neiges qui arrivaient dans la vallée? Au début, ça n'a pas été toujours simple. En tout cas, ça a pu inquiéter. Ils ne travaillent pas, ils font que du ski, comment ils vivent. Voilà. Et en fait, petit à petit, finalement, on s'est aperçu que c'était une clientèle et que c'était une économie, et puis qu'ils amenaient du monde et qu'ils amenaient de l'image. Et que... Alors, on ne peut pas dire que ça a été tout rose ni tout noir. Mais en tous les cas, il y a eu une acceptation à long terme. Certains d'entre eux se sont installés ici? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a même pas mal. Hein. On peut dire que ça a amené quelque chose, ça a amené des idées nouvelles, des contacts nouveaux, des gens qui parlaient anglais aussi. Hein. Le téléphérique et la station du Chazelet sont le seul poumon économique de la grave. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça vient d'être négocié aux dirigeants de l'Alpe d'Huez, ce qui est bien, c'est des gens compétents. On a des skis, des gens du monde entier qui viennent au téléphérique. Chaque année, il y a ce qu'on appelle un derby de la Meije, il y a plus de 1000 participants et il y a plus de 20 pays représentés. Toutes ces barres rocheuses qu'on voit dans l'ombre, c'est plein d'itinéraires, de casse-cou. Chaque année, il y a plusieurs morts, mais bon, c'est ce qui fait l'attrait aussi, quoi. C'est ce qui fait l'attrait. Je m'appelle Pascal Guibou, j'ai 51 ans. Je suis guide au bureau des guides de la Grave depuis pratiquement la sortie de mon diplôme d'aspirant guide. Donc ça remonte à 20 ans, on va dire. Nous nous trouvons aujourd'hui au pied du téléphérique de la Grave qui donne accès au domaine skiable des Vallons de la Meije. Qu'est-ce qui se passe en hiver ? Alors il se passe beaucoup de choses ici, et puis surtout il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. Il faut savoir que le domaine de ski de la Grave est très particulier. Ce téléphérique dont vous parlez dessert un domaine uniquement hors piste. Il n'y a pas de piste à la Grave, il n'y a pas de jalonnage, il n'y a pas de déclenchement artificiel d'avalanche. Et on essaye de comprendre comment cet environnement fonctionne. Imaginons, dans 2 mois, que nous arrivions et que nous prenions ce téléphérique. Qu'est-ce qu'on traverse et qu'est-ce qu'on voit ? Donc il faut imaginer avec de la neige, j'espère, qui va arriver. Nous sommes à 1450 mètres de dénivelé, au village. Vous pouvez prendre l'ébène. Elle monte à une station intermédiaire qui est à 2400 mètres. Là, il faut changer de benne. Et puis, on poursuit notre voyage jusqu'à 3200 mètres de dénivelé. Et là, on est aux portes des glaciers. Et qu'est-ce qu'on traverse comme milieu ? Ah ben, on a tous les étages de la montagne. Hein. On part des premiers champs encore cultivés qui sont en face de nous. D'ailleurs, là-bas, on voit qu'il doit y avoir des chevreuils qui traversent. Puis des forêts de mélèze. Puis très rapidement, à partir de l'étage de 2004, ça devient beaucoup plus minéral. Hein. On a du rocher pour atteindre 3200 mètres, où là, on a une zone glaciaire, hein, qui est le glacier de la Girose, qui monte jusqu'au dôme de la Lauze, qui est entre la Grave et les deux Alpes. Et en saison d'hiver, Pascal Guibou, vous montez au sommet tous les jours ? Alors effectivement, j'ai ce poste qui s'appelle guide de veille, c'est-à-dire que je reste en vigilance tout l'hiver. Je suis le conseiller technique du maire de la Grave. Et ma mission, c'est justement voilà, d'être en observation quotidiennement tout au long de l'hiver pour voir évoluer cette montagne et prendre une décision sur l'ouverture ou la fermeture du téléphérique. C'est-à-dire qu'on a les chaussures de ski dans cette neige-là, plus ou moins profondément, et on va pouvoir dire, bah là on a des neiges poudreuses, là on a des neiges qui ont été touchées par le vent, là on a des neiges très dures, là on a des neiges qui portent, mais qui sont cassantes à certains endroits. Donc là, effectivement, il y a une petite lecture du manteau neigeux qui peut être faite. Maintenant, il y a toute cette épaisseur de neige qu'on a sous les pieds, et là, il est beaucoup plus difficile d'estimer, d'évaluer et d'avoir, d'en sortir quelque chose qui nous permette quelque part d'avoir une gestion du risque. Neige croûtée qui vous prend les pieds, neige légère, lourde, humide, mouillée qui se transforme en sucre ou en gros sel, neige trafolée qui vous secoue comme des clapotis à la surface de l'eau, neige damée comme du velours côtelé. En 1945, il y avait dans les montagnes françaises 50 appareils de remontée mécanique. Quelques milliers de poulies plus tard, et des années de conquête du Far West en altitude, il y en a aujourd'hui 3268, et les 350 sites et stations de ski représentent 120 000 emplois. Loin des grandes stations, en pays divers, même fragiles, même insulaires, la neige continue de rythmer la vie des habitants. Pour l'heure, en attendant les premiers flocons, les flancs de montagne sont encore couverts de vaches et de brebis. Vous êtes née en quelle année, Marie-Cécile Roy ? En 1970. Juste après l'arrivée du ski. Ouais, c'était le début. Le début. Le début des remontées. Ouais. Vous venez de sortir les brebis et les agneaux dans le pâturage le plus proche de chez vous. Vous êtes agricultrice. En quoi consiste cette activité ? Donc, cette activité, moi je la vis à plein temps sur l'année. L'été, du juillet à... Au 15 septembre, elle est consacrée à faire les foins. Donc j'ai 28 hectares en pré de Foch. Donc les prés sont partent de Villard d'Arène, donc il y a 1650, et puis on arrive jusqu'au niveau de l'Aiguillon et du col du Lautaret, qui est à 2000 mètres d'altitude. Donc après au mois de septembre, moi j'ai l'annulage qui commence, donc les brebis qui font l'agneau, elles sont rapatriées sur l'exploitation pour que les brebis et les agneaux dorment dedans la nuit. Et puis j'ai le reste du troupeau qui est encore en garde avec un berger jusqu'au 15 octobre. Quand la neige arrive, ou le froid, ou s'il n'y a plus d'herbe, généralement c'est la neige qui nous fait rentrer. Du coup là on change d'activité, les bêtes sont dedans, donc il faut les soigner le matin et puis le soir. Donc après, en même temps, à cette période, à partir du 20 décembre jusqu'au 20 mars, moi je travaille au remontée mécanique du Chazelet. Donc là, je démarre la double activité, c'est-à-dire le matin, il faut avoir soigné avant de partir au travail. Vous levez à quelle heure? À 5 heures. Et puis le soir, quand on revient du boulot, on sait qu'il faut qu'on donne à manger aux bêtes, pareil. Donc voilà, on fait des journées 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, voilà, bien plein. Vous avez tous une double activité ici? Pas mal de personnes ont des doubles activités, oui. Notamment l'été, il y a beaucoup le bâtiment aussi qui emploie du monde. Donc après, nous on vit vraiment quand même avec du tourisme. Trois quarts des gens ont des activités, des doubles activités, été et hiver. Est-ce que l'activité agricole vous suffirait pour vivre, Marie-Cécile Faure? L'activité agricole en elle-même pourrait me faire vivre. Après, voilà, moi j'ai quand même des enfants, donc le fait de travailler en extérieur, ça apporte un peu du confort, on va dire. Après, l'activité agricole, c'est malheureux parce que on ne vit pas de notre activité, de ce qu'on produit et de ce qu'on vend. On vit en agriculture parce qu'on a des subventions. Et sans les subventions, de toute façon, on ne pourrait pas tenir. Ça représente combien de skieurs, cette station du Chazelet, Grégory Bouillet? Ça représente, on vend sur une saison correcte, en moyenne, on est entre 33 et 35 000 journées skieurs. Ça représente combien dans l'économie de la commune? Ce qu'on sait à peu près, d'après les chiffres nationaux, c'est que 1 euro dépensé sur les remontées mécaniques, c'est 7 euros dépensés sur le territoire. Les loueurs de ski, l'ESF, les restaurateurs, l'hébergement, tout ça. C'est quand même une économie certaine, quoi. Il y a une vraie volonté ici, je pense, de non-développement durable, en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça ne se développe pas durablement. c'est le tourisme, d'accord, mais pas à n'importe quel prix, en fait. Là, il reste encore une vie normale en dehors du tourisme, qui est souhaité, profondément souhaité, pas toujours exprimé, mais souhaité. C'est même pas tellement un choix, c'est un non-choix. Parce que la vallée est très étroite, elle est en V, vous voyez, je sais qu'à la radio ça se voit pas, mais c'est. Et donc il n'y a pas de plat en bas pour aménager, même si on voulait aménager, on aurait beaucoup de mal, même simplement à faire des parkings, les accès sont pas évidents. Finalement, on se retrouve dans un truc qui n'est pas concurrentiel, qui ne fait pas concurrence aux stations, qui est plutôt un plus par rapport aux autres stations, quoi. On se retrouve bien. L'idée, c'est d'aménager, on dit souvent ça, aménager la tête des gens plutôt que le territoire. Disons, c'est de choisir des gens qui apprécient ça tel que c'est, quoi. C'est venez chez nous, il n'y a rien. Et économiquement, ça fonctionne parce que finalement, tout l'argent qu'on met pas dans l'aménagement du territoire, on le met, c'est autant de bonus, quoi. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de monde pour rentabiliser typiquement la remontée mécanique. Nous attendons la neige, elle n'est pas encore là, sauf au sommet. Et si elle ne revenait pas? Effectivement, on peut imaginer des montagnes et des hivers sans neige. D'ailleurs, dernièrement, j'ai entendu une phrase qui m'a choqué et qui m'a presque fait peur. J'ai quelqu'un, un spécialiste, qui disait qu'il y a un moment donné où il faudra choisir entre boire l'eau du robinet ou skier. Parce que effectivement, l'eau va finir par manquer, notamment dans des stations qui produisent de la neige artificielle. Tout ça, c'est très consommateur d'eau. On s'aperçoit que les hivers sont de plus en plus difficiles, que la neige, durant les hivers, n'arrive pas sur tous les massifs. Les petites stations de basse altitude sont pas forcément bien desservies. Nous, on a un versant qui est très froid. On skie sur un domaine qui est essentiellement orienté au nord. Pour l'instant, on n'a pas de soucis avec cette neige. Mais on peut malheureusement craindre qu'un jour, cette neige ne soit plus au rendez-vous. Est-ce que vous voulez bien nous lire la deuxième partie du poème de Baudelaire sur la neige ? Alors, le silence éternel de la montagne immense, car l'air est immobile et tout semble rêver. On dirait que le ciel, en cette solitude, se contemple dans l'onde et que ces monts, là-bas, écoutent, recueillis dans leur grave attitude, un long mystère divin que l'homme n'entend pas. Qu'est-ce que c'est une blessure infligée à la montagne, Pascal Guibou ? Une blessure infligée à la montagne ? On peut aller très très loin sur ce questionnement, parce qu'on peut très bien dire que même en la parcourant, eh bien, on finit par avoir un impact sur cette montagne. D'ailleurs, il y a beaucoup de sommets encore où malheureusement, entre les cailloux, tout proche du sommet, on retrouve des boîtes de conserve. Est-ce que tout simplement, lorsque l'homme pénètre dans un environnement, il ne le détériore pas déjà rien que par sa présence, peut-être. Mais enfin, ce que je peux simplement dire, c'est que cette montagne, elle nous transforme, elle nous rend heureux, c'est un partage. On descend transformé aussi, on laisse une partie de nous là-bas, là-haut. Et je pense qu'elle est belle parce que l'on en parle et qu'on la pratique. Si on restait en bas dans nos vallées et que l'on n'allait pas s'y promener, ça serait difficile d'en parler. Donc c'est à double tranchant. Il faut être conscient qu'il faut faire préserver et faire attention à cet environnement et en même temps la parcourir, tout simplement. C'était En attendant la neige, avec Madeleine et Valentin Jacquier, Guillaume Desmurs, Bruno Gardan, Pascal Guibou, Grégory Bouillet, Camille Gaillard, Marie-Cécile Faure et Michel Castillan. Merci à Sophie Boisard, responsable d'édition de la revue L'Alpe, à Emmanuel Georges, Laetitia Cuvelier, Raymond Juge, Thibaut Nassimben et à France Bleu Pays de Savoie. Coordination Perrine Kervran, accompagnée de Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Marie Chartron et François Teste. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en attendant la réouverture des stations, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tech, notre partenaire, vous pouvez voir Urmutik, le documentaire de Cyril Schlapfer consacré aux musiques montagnardes. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission.